amis. Vous avez vu ça? Il y a 93 ans, le Titanic s'est tapé un iceberg dans l'Atlantique Nord. Vous ne le savez peut-être pas, mais mon arrière-grand-père, Amédée, était dedans. Je vais vous raconter l'histoire. Vous allez voir, c'est poignant. Ici Amédée Perchu. Je suis très fier d'avoir été choisi par le Kaiser du Tyrol pour représenter mon pays sur ses bateaux. La soirée se présente bien. L'alcool coule à flot et les filles présentes à bord sont plus proches de la pute de luxe que de la prof de latin. Ah, ça c'est de l'ambiance. Oh, monsieur Amédée, vous êtes un petit coquin. Oh, mais pourquoi tu dis ça? Mais enfin, vous avez comme sorti votre sexe de votre smoking en peau de porc. Oh, à peine la moitié. Waouh, c'est seulement la moitié, ça? Absolument, il y en a plus. Je le sors quand même? Non, pas tout de suite. Gardons la surprise. Bouge pas, je vais chercher à boire. C'est bien parti pour moi! Encore un verre ou deux, allez pour moi, la loutre! Je m'approche du barman, je lui demande deux schnapps on the rocks! Pas de problème? Si, problème! Il n'y a plus de glace! Dans un premier temps, je massacre le loufia pour son manque de professionnalisme. Puis de rage, je décide de me calmer en allant faire un tour sur le pont. Et là, qu'est-ce que je vois? Un énorme glaçon! Discrètement, je vais dans la cabine du commandant et je dirige le rafio vers ce qui manquait à mon cocktail. Et là, c'est d'assez grosse catastrophe. Merde. Ah, je crois que j'ai déconné. Bon, allez vite. Je retourne au bar, l'air de rien. Ah, excuse-moi, ma loutre, ça a pris plus de temps que prévu. Amédée, c'est quoi l'eau qui rentre dans le bateau? Ben ça, c'est... Et merde. Ici, Amédée Perchu, je crois que mon petit choc avec le glaçon aura plus de conséquences que prévu. Adieu! Ben voilà mon Jojo, voilà mon caca. Une fois de plus, un membre de ma famille aura marqué l'histoire. Bientôt, je vous parlerai de mon cousin responsable météo en Thaïlande à la fin de l'année dernière. Allez, au revoir.